Je vous montre des objets, c'est à vous de me montrer où ils sont placés. Sada vam pokažem objekat, vi mi kažete gdje se nalazi. Sada vam pokažem objekat, vi mi kažete gdje se nalazi. Montrez-moi où est l'enveloppe. Pokaži mi gdje je koverat. Pokaži mi gdje je koverat. Montrez-moi où est la clé. Pokaži mi gdje je ključ. Pokaži mi gdje je ključ. Montrez-moi où est le rasoir. Pokaži mi gdje je bridge. Pokaži mi gdje je bridge. Montrez-moi où est le verre. Pokaži mi gdje je čaša. Pokaži mi gdje je čaša. Montrez-moi où est le crayon. Pokaži mi gdje je olovka. Pokaži mi gdje je olovka. Montrez-moi où est le téléphone. Pokaži mi gdje je telefon. Pokaži mi gdje je telefon. Montrez-moi où est la montre. Pokaži mi gdje je sat. Pokaži mi gdje je sat. Montrez-moi où sont les ciseaux. Pokaži mi gdje su makas. Pokaži mi gdje su makas. Montrez-moi où est le peigne. Pokaži mi gdje je boja. Pokaži mi gdje je boja. Montrez-moi où sont les lunettes. Pokaži mi gdje su naočare. Pokaži mi gdje su naočare.